Explosion imminent. Evacuate the facility immediately. Les jeudis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel. Today's security code is 5334118. Mezzanine, seulement au 89.1. De retour en ondes à la fausse patte sur CKRL 89.1, Christian Saint-Pierre au micro, accompagné de Catherine Dorion toujours. Et au bout de la ligne, on a Félix-Antoine toujours avec nous. Oui. Merci beaucoup de ta patience. J'espère que la musique t'a plu. On a fini ça avec Benabar, l'effet papillon, juste avant les tsars d'Indochine. Et on discute de cette commission d'enquête, cette fameuse commission d'enquête qui a fait tant couler d'encre et de salive au micro. Jean Charest qui a accepté d'enquêter sur la collusion dans le monde de la construction. Félix-Antoine est membre du Barreau du Québec et en train de faire une maîtrise en droit constitutionnel. Félix-Antoine, maintenant j'aimerais qu'on parle, on va continuer un petit peu dans la politique si tu permets. Catherine, tu pourras peut-être intervenir aussi vu que tu es une grande spécialiste. On a parlé beaucoup de l'impact de cette commission-là sur Jean Charest, sur son gouvernement. Maintenant, à l'opposition, c'était de la bonne munition ça pour critiquer le gouvernement et tout ça, et même laisser dans l'ombre certaines crises chez certains partis. Donc, ça va être quoi l'effet de cette annonce, de cette fameuse commission d'enquête sur le Parti québécois, l'ADQ et même François Legault qui se réclamait à grands cris pour cette commission d'enquête. Alors, selon toi, on doit s'attendre à quoi? Ouais, c'est un excellent point parce que les partis politiques vont devoir renouveler leur message là, depuis que Sylvie Roy, la leader parlementaire de l'ADQ qui a été la première à réclamer la commission d'enquête. Ensuite de ça, Mme Marois en a fait vraiment un cheval de bataille. Depuis 2 ans, les partis d'opposition passaient le plus clair de leur temps à réclamer cette commission d'enquête. Là, une fois que la commission d'enquête, même si elle n'est pas assujettie, comme on l'a expliqué tantôt, à la loi sur les commissions d'enquête, mais bon, comme la juge Charbonneau pourra contrer des témoins, une fois que ça semble être parti, entre le moment où on accepte finalement le précis de la commission d'enquête et qu'on aura les premiers témoignages et qu'on entendra les premières personnes parler de collusion, il y aura un laps de temps. Et dans ce laps de temps-là, d'après moi, les partis d'opposition devront renouveler leur message et devront tenter parce que je crois que même si la population veut et voulait une commission d'enquête, c'est pas nécessairement non plus le message le plus inspirant. Dans une société, parler de collusion et de corruption, c'est important, mais c'est pas ce qui soulève le plus les passions. On s'entend, on n'est pas en train de construire le Québec, on est en train de... On n'est pas en train de parler de projet, là, disons. Exactement, on n'est pas en train de parler de projet. Parce qu'on fait le ménage, là, tu sais. Donc, je crois que les partis d'opposition devront innover et devront parler un peu plus de ce qu'ils veulent faire et pourquoi ils sont un gouvernement en attente une fois qu'ils auront eu gain de cause par rapport à la commission d'enquête. Ce qui peut être une bonne chose, finalement, pour la démocratie oui, québécoise. En effet. Mais comme on a vu lors de la dernière période des questions, Nicolas Girard, qui est critique du Parti québécois en matière de famille, a continué sur les garderies. On se rend compte qu'il y a d'autres éléments. Donc, je crois que les partis d'opposition ont trouvé un filon dans la recherche de scandale et qui ne laisseront pas ce filon-là nécessairement de manière totale. Bien évidemment, la période des questions, de plus en plus, même ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, même les députés le disent de plus en plus, c'est devenu une espèce de show politique où ce qu'il faut, c'est faire sensation. C'est plus nécessairement arriver à une discussion claire et poussée sur les problèmes du Québec ou les projets. Ce qui est bizarre, c'est que c'est aussi un problème dans la plupart des parlements occidentaux. Là, j'étais dans un voyage politique en France à la fin de l'été. On a fait les universités d'été. J'ai fait les universités du Parti socialiste et de l'UMP, ainsi qu'un séjour à Paris entre les deux. Et on discutait des formes institutionnelles que peut prendre les différents parlements. Et en France, malgré que les ministres peuvent avoir les questions d'avance, c'est encore plus un cirque ici. Malgré qu'ils soient en hémicycle et non pas face à face, ça change rien. Donc c'est un show, mais ça semble être assez commun à la plupart des démocraties occidentales. Ouais. Je sais pas s'il y aura moyen de faire de cette chose-là quelque chose de plus intelligent, si on veut, là, mais il faudrait, c'est parce qu'ils savent qu'ils s'adressent aux médias, puis qu'il faut que l'information soit, ben encore une fois, démagogique. Là, l'idée, c'est de faire gagner des points sans nécessairement avoir un sens approfondi ou s'adresser à l'intelligence des gens. Là. Probablement que si les télévisions étaient moins présentes, je dis pas qu'ils doivent pas être là, mais comme c'est le seul moment où la télévision est vraiment présente et la tribune de la presse se dirige au complet là, à l'Assemblée, vous avez raison, là, ça devient un élément. Mais si on regarde d'autres démocraties occidentales où, institutionnellement parlant, ils ont modifié certains éléments, dont au Parlement de Westminster, ils ont les questions, il y a certaines périodes des questions, les questions sont envoyées d'avance par écrit au ministre. En France, dans l'hémicycle, il y a aussi des questions d'avance. C'est pas un face-à-face, mais malgré ça, ça demeure un moment de haute voltige. Donc, je ne sais pas si institutionnellement parlant, il y a une recette ou si ce serait plus une culture politique ouais, moi, à changer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que ça, l'effet culture politique, en fait, il est, pour ma part, ben, comme vous le dites, là, c'est le moment où les médias sont là que le show politique est le plus, de nature de cirque, là, disons. Je me dis peut-être que, puis ça a beaucoup changé ça, dans les dernières décennies, les médias vont présenter des choses de façon de plus en plus succincte, ce qui fait que quand on a 4 mots, 5 mots, un gros titre pour avoir l'attention des gens, pour exprimer une idée, ben et c'est sûr que cette idée-là pourra jamais être expliqué, puis être poussé, puis que ça va toujours être, le but va être de créer une impression. Si on a, comme on écoute des émissions de radio, si vous allez voir sur les archives de Radio-Canada, on entend des fois des gens qui parlent, qui font un compte-rendu sur telle assemblée politique, ils parlent pendant 20 minutes à Radio-Canada aux nouvelles sur ce qui s'est dit, puis c'était quoi les idées qui étaient débattues. Le temps, la durée qu'on a pour parler d'une nouvelle change beaucoup les choses. Aujourd'hui, c'est très, très... Je vous rejoins totalement là-dessus. En effet, la culture du clip fait en sorte que le politicien peut beaucoup moins exprimer une idée élaborée et doit se contenter de phrases assassines qui transforment souvent la période de questions en un cirque, puisque de phrases assassines, je réponds par une phrase assassine et ça devient plus du contenu, mais ça devient une partie de ping-pong de phrases assassines. Voilà. Justement, Félix-Antoine, en conclusion de ce sujet de la commission d'enquête, là, maintenant que c'est accordé, qu'on va y aller, que la juge a des pouvoirs un temps soit peu limités, c'est-à-dire que si elle veut assujettir ça à la loi sur la commission, sur les commissions d'enquête, ben, elle va pouvoir le faire. Donc, il faut qu'elle le demande pour que Charest dise oui. Donc, bon, maintenant, là, j'ai deux questions, en fait. Premièrement, oui. C'est qu'est-ce que on doit s'attendre à quoi là, pour la suite des événements? Comment ça va se passer? Et deuxièmement, qu'est-ce que le Québec, présentement, y gagne? Bon, premier élément, il faut être patient. Parce qu'une commission d'enquête, ce n'est pas un mécanisme rapide. Donc là, la juge va former une équipe, va trouver deux autres commissaires avec qui elle va s'adjoindre. Il va y avoir un procureur qui va être nommé. Et là, ils vont faire une pré-enquête qui va être à huis clos, dans laquelle ils vont explorer la preuve. Ils vont avoir la possibilité, bon là, tout dépendant des pouvoirs qu'elle va demander, est-ce qu'elle peut savoir, mais elle va pouvoir faire des perquisitions, aller chercher des documents. Ensuite de ça, selon le décret, il y aurait une première partie à huis clos, où là, il attendrait des témoignages de personnes qui sont impliquées dans la collusion, dans la corruption. Et par la suite, il y aura une partie plus publique où là, on entendrait des spécialistes pour trouver des solutions. Mais ça, faut voir ici, là, un délai d'au moins 2 ans. Là, okay. Avant qu'on puisse vraiment avoir là, des réponses. Il peut s'en passer bien des choses. On peut changer de gouvernement là, d'ici là. Exactement. Alors, est-ce que le Québec en gagne? Je pense que si la juge Charbonneau demande d'avoir les mêmes pouvoirs qu'un commissaire est supposé d'avoir par la loi sur les commissions d'enquête, je pense que le Québec, grâce à une commission d'enquête, peut mettre la lumière sur la collusion et la corruption dans l'industrie de la corruption et les liens avec les partis politiques. Mais si ça reste une commission d'enquête sans pouvoir, sans dents, je pense que le Québec aura peu de choses à gagner avec ça. Sauf peut-être un simulacre de tentative de mettre fin à la corruption, mais la corruption et la collusion, c'est pas un petit problème. Et les acteurs qui influencent là-dedans, c'est des acteurs qui ont beaucoup de pouvoir. Donc, pour y arriver, il faut que la commission ait des muscles. Mais si la commission a des dents, si elle a les pouvoirs qu'une commission doit avoir, je crois que ça peut vraiment mettre fin à un mécanisme qui gangrène le Québec. OK. Maintenant, est-ce que on parle beaucoup là du patronat, évidemment, avec le Parti libéral. C'est le lien naturel qu'on fait normalement. Maintenant, on parle beaucoup aussi présentement des syndicats. D'ailleurs, il y a une grosse annonce qui a été faite au niveau de la régie du bâtiment aujourd'hui, que la régie des bâtiments, si on trouvait des fautifs là au niveau du placement et tout ça, la régie du bâtiment avait maintenant plus de pouvoir, aura plus de pouvoir, question de sévir auprès du patronat. Mais on parle beaucoup aussi du placement au niveau des syndicats. Est-ce que les syndicats ont aussi beaucoup à perdre dans une commission d'enquête comme celle-là? Ben, avec la commission d'enquête, on va voir tout ce qu'il y a avec la collusion et la corruption. Et si les syndicats participent à cette industrie de collusion-là et de corruption et qu'ils sont main à main avec certains entrepreneurs, ils vont payer eux autres aussi ils vont payer aussi de leur crédibilité et même de leur fonction en tant qu'organisme qui voit la protection des travailleurs. Là, tout le monde qui aura participé à cette industrie de collusion-là, à cette construction de collusion, si vous me permettez d'inverser un peu, aura à payer, là. OK. Moi, j'aurais une petite question qui fait référence à ce que vous avez dit au début, avant la pause. Est-ce que c'est vraiment le barreau, en fait, le fait que le barreau critique la première proposition de commission d'enquête de Jean Charest, est-ce que ça a été vraiment ça, l'espèce de goutte qui a fait déborder le vase de malaise de Jean Charest, puis qui s'est dit « Ah, mon Dieu, là, c'est trop, j'ai vraiment l'air con, faut que je propose autre chose » ou ça se pourrait que ça soit autre chose, là, selon vous? Je crois que l'élément principal qui a fait que Jean Charest change d'idée, c'est le barreau. Puisque Jean Charest parlait d'un avis juridique du ministère de la Justice de 1998 au début pour justifier sa position, disait que les juristes étaient partagés et essayait de jouer sur une ambiguïté qu'il y avait deux interprétations possibles. Lorsque le barreau est arrivé avec sa position, il pouvait plus gargariser qu'il y avait un débat juridique. Le barreau venait dire non, il n'y avait pas de débat. C'est clair, net et précis, une commission d'enquête ne blanchit pas de criminels. Ah, bon. Donc là, et le barreau, c'est pas un organisme partisan, c'est pas un organisme qui a un agenda politique, et c'est surtout pas un organisme qui a l'habitude de prendre des positions de nature à confronter le gouvernement. Non, c'est ça, puis c'est ça donc qui a une grande crédibilité. C'est ça aussi quand c'est sorti. C'est un peu comme la commissaire, comme vous disiez tout à l'heure, ben le barreau comme institution a cette crédibilité-là aussi. Et peut-être que, ça, je crois que c'est l'élément principal, et peut-être d'un point de vue plus politique, il a peut-être vu que, peut-être qu'il y a eu des appels si vous permettez l'expression, poteaux régionaux, de certains de ses ministres influents qui lui ont dit, ça passe pas. Ah oui, ça se pourrait ça aussi. Ça passe pas. Et peut-être qu'il y a même des ministres qui ont dit, c'est tu changes ou je m'en vais. Avec une majorité de 2-3 députés en chambre, M. Charest a pas une grande latitude. Donc je crois que c'est le barreau, mais je crois que le barreau a donné des armes politiques à certaines personnes à l'intérieur du Parti libéral qui n'étaient pas d'accord pour dire, écoutez, il faut changer ça. Ben voilà qui est très, très, très intéressant. Cette vulgarisation-là est très utile à nous aussi. Hein. Depuis tantôt, Christian et moi, on se regarde en faisant des signes de tête de « Ah bon, là, je comprends. » Ah ouais, c'est ça qui se passe, là, voilà. Je crois que c'est nécessaire de réussir à bien comprendre ça, puisque non seulement il y a un flou qui a été amené par le gouvernement, mais que c'est des termes qu'on n'utilise pas tous les jours, la immunité, ces commissions d'enquête, c'est quand même pas là, du langage usuel non plus. Là. Et rapidement, on a fait un lien aussi avec la commission Gomery, ou Bastarache plutôt, tout à l'heure. Bastarache qui était reconnu comme étant un ami très très lié aux libéraux. Est-ce que, là, on a parlé beaucoup là, de la crédibilité, de l'intégrité de la juge Charbonneau. En quoi elle est si crédible et si forte que ça? Pourquoi c'est la meilleure personne qu'on pouvait trouver? Là? Au niveau criminel, elle a quand même 81 procès sur 82 de rapportés dans des histoires de meurtre. C'est elle qui a réussi à reprendre le procès de Mombouché et de le faire emprisonner. C'est une femme qui a une grande réputation dans le milieu juridique comme étant rigoureuse et s'en laissant pas imposer. Surtout quand tu fais des procès au niveau criminel, des mentors, il faut que tu aies une personnalité assez forte. Donc, il n'y a personne qui a rien à dire sur son parcours et il n'y a aucune allusion, contrairement au juge Bastarache, de nomination par des liens politiques. Okay. Mais il y a quelque chose que je trouve drôle là-dedans quand ils disent elle a gagné quoi 81 des 82 procès pour meurtre. Ouais. Ça c'est une façon de parler de la valeur d'un procureur ou. Pas nécessairement, mais dans son cas à elle, c'est plus une statistique qui est marquante. Là. Ouais, ben je sais que je me souviens, moi mon père qui était avocat me parlait de son père à lui, Noël Dorion, qui était un procureur qui avait, selon ce que mon père disait, je sais pas s'il exagérait, mais gagné tous ses procès, puis il avait même fait pendre des criminels, etc. Puis c'était comme une fierté, puis je me disais. Mais donc, si c'est une fierté, ça veut dire qu'on utilise ça pour dire « le procureur est un bon procureur ». Donc, la justice là-dedans, c'est un peu... Est-ce que vraiment tous ces gens-là, tous les gens qui travaillaient à accuser étaient coupables ou c'était juste parce qu'ils étaient bons que ces gens-là ont été condamnés? Ah, ben là, je pourrais pas me positionner là-dessus. Non, mais c'est... Je pensais pour bœuf parce qu'il y a quand même un jury là, de 12 personnes qui sont arrivées à un verdict unanime. Là. Non, mais comprenez-vous ce que je veux dire? C'est oui, que oui, je comprends très bien. Si on dit le procureur est un bon procureur parce qu'il a gagné plusieurs procès, donc ça veut dire que c'est pas... On accepte c'est... aussi l'idée qu'un bon avocat va avoir plus de chances de faire... De gagner, ben oui. Ouais, ce que je retiens, moi, en fait, c'est qu'elle joue un rôle majeur dans la lutte au crime organisé, dans exactement, la lutte contre les menteurs. Surtout par rapport au crime organisé. Et là, c'est une commission d'enquête sur la présence du crime organisé. Donc, elle n'aura pas peur de s'attaquer à la mafia italienne, si ça se trouve, des choses comme ça. Donc, voilà, nous sommes en bonne main. Félix-Antoine Michaud, merci beaucoup de cet éclairage formidable sur cette situation qui nous concerne et nous inquiète tous. Alors, voilà, un grand merci. Un petit mot en conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut surveiller dans les derniers jours? Une dernière réflexion peut-être avant de nous quitter? Ben, peut-être qu'il sera vraiment à suivre, c'est de voir le début de la commission, de voir ce sera qui les commissaires adjoints que la commissaire Chabonneau va s'adjoindre. Et peut-être de niveau plus politique, de voir de quelle manière l'opposition va se trouver une nouvelle manière de mener bataille face au gouvernement. Très bien. Alors, merci. Au plaisir. Au plaisir, Félix-Antoine, de ta patience et de ton expertise. Alors, une grande aide aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, mesdames et messieurs, ceux qui viennent de se joindre à nous à la fausse patte sur CKRL, on discutait de la commission d'enquête sur le crime organisé, la collusion entre le crime organisé et peut-être le gouvernement dans l'industrie de la construction, pardon. Donc, la juge Charbonneau qui a été nommée par Jean Charest. On est avec Félix-Antoine Michaud, qui est membre du Barreau du Québec, ainsi que sur le point de terminer une maîtrise en droit constitutionnel. Catherine, sais-tu ce que je retiens de tout ce que j'ai entendu, moi, Moi, ce qui me réconforte, en fait, c'est qu'on parle... un des mandats de notre émission, entre autres, c'est de dire aux gens, de donner la parole aux gens qui trouvent des solutions, qui se refusent au cynisme de baisser les bras. Et dans ce que Félix-Antoine Michaud nous a dit, c'est que c'est grâce au barreau du Québec, nos avocats, nos spécialistes qui ont dit non, non, non, non, non, non, Jean Charest. Et aussi peut-être à certains ténors du Parti libéral qu'on ne se connaît pas. Voilà, mais oui, mais c'est une bonne nouvelle aussi qu'il y a certaines personnes qui sont capables de dire ça à leur chef. Là. Exactement, mais c'est que ça part de la base. C'est-à-dire ce qu'on doit retenir de ça. Ce qu'on doit retenir aussi de tout ce qu'on parle depuis le début, là, des gens qui interviennent dans la pauvreté qu'on a reçu la semaine dernière, les gens d'Occupons Québec, par exemple, c'est que quand le bon vieux peuple, quand les citoyens décident qu'ils en ont assez, qu'ils mettent le point sur la table et qui disent non, ça ne fonctionnera pas comme ça, eh bien, les choses changent. La gouvernance n'a plus le choix de bouger. Le barreau a pris position, a décidé, non, M. Charest, votre discours ne fonctionne plus, on n'entérine pas ça, nous, les spécialistes en droit, et c'est ça qui a fait que la balance que le vent a tourné, en fait, et que Jean Charest a décidé de donner cette commission d'enquête. Bon, évidemment, on est loin de la coupe aux lèvres pour commencer, elle n'est pas complète. Parce que l'Assemblée nationale, le Québec, a sa loi pour une espèce de marche à suivre pour les commissions d'enquête. Jean Charest a lancé une commission d'enquête qui n'est pas soumise à cette loi des fameuses commissions d'enquête. Donc, entre autres, c'était les témoins ne sont pas obligés de venir témoigner. Mais là, la commissaire a maintenant le droit de faire la demande que cette commission d'enquête soit assujettie à la loi. Donc, vous nous comprenez bien, là, c'est petit pas par petit pas. Maintenant, il y a une porte ouverte, c'est possible. Jean Charest n'a jamais pris la réelle décision de faire une réelle commission d'enquête sur la collusion dans le monde de la construction. Il ne s'est pas encore mouillé. Maintenant, c'est En fait, il demande un peu, c'est ça, le fardeau de se mouiller revient à la commissaire, ce qui, comme disait notre invité, est un peu étrange pour une personne du monde judiciaire. Là. Exactement, parce que ce n'est pas une décision judiciaire, c'est une décision politique. Voilà. Donc, la décision d'assujettir cette commission d'enquête-là à la loi sur les commissions d'enquête, pour que ça soit fait dans les règles, comme l'a été fait les grandes commissions d'enquête, là, bon, les on a mis tout à l'heure Bastarache ou Cliche à l'époque, c'est cette dame-là qui doit le décider. Bon, selon M. Michaud, c'est une grande procureure, c'est une femme qui a beaucoup d'intégrité, qui a aucune allégeance politique. On lui doit beaucoup dans la lutte au crime organisé, entre autres. C'est elle qui a fait emprisonner que Maurice Boucher, en fait, le chef des Hells Angels au Québec. Donc, tout ça est à suivre. Très hâte de voir, justement, comme le disait Félix-Antoine, avec qui elle va mener cette enquête. Alors, c'est Batman, qui seront ces Robins, c'est ce que j'ai très hâte de voir. Et surtout, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le reste de la politique québécoise? Parce qu'on s'est pourléché de ce phénomène-là du côté du Parti québécois, qui, ma foi, est en crise existentielle, qui s'est rattaché, Madame Marois, qui s'est rattachée à cette bouée de sauvetage de façon désespérée depuis longtemps. Justement, Catherine, toi qui suis beaucoup l'Assemblée nationale et le politique, selon toi, ton analyse là-dessus, là, Madame Marois va-t-elle en souffrir de tout ça? François Legault, qui justement se faisait le grand défenseur de la justice, ils vont se revirer de bord comment là-dessus? Je pense qu'il y a de toute façon derrière ce qui est en train de se passer. Parce que ça, on entend beaucoup dans les médias parler de cette enquête sur la construction qui fait un peu écran à tout ce qui se passe à l'intérieur des partis et entre les partis derrière. Mais il y a un grand remaniement, il y a des gens, les allégeances de toujours sont en train de se défaire, de se déconstruire, de passer d'un parti à l'autre. Celui qui en souffle le plus en ce moment, c'est le Parti québécois. De plus en plus de gens à l'intérieur du parti. Là, je sais pas à quel point ça repose sur des faits réels, mais la presse rapportait ce matin que la pression interne au PQ sur Mme Marois était de plus en plus forte, que parce que les gens, il y en a qui l'ont soutenue longtemps, mais selon des sources que la presse n'a pas voulu révéler, fait que toujours on peut se garder un doute, mais la presse disait que des gens disaient écoutez, on veut bien là, mais c'est parce que si ça marche pas, puis que là on est plus bas dans les sondages que le Parti libéral du Québec, et qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'elle prend pas, tu sais, le feu pogne pas, là, ça marche pas. Eux autres, ils ont bien d'autres problèmes. C'est des problèmes internes au parti. C'est pas nécessairement une bataille sur des idées entre les partis. François Legault, lui, c'est aussi à l'interne que ça se crée, ramasse des gens, fait ses bases, bientôt, on va savoir s'il se passe quelque chose avec ça ou pas. Puis, il y a d'autres partis qui se créent, puis d'autres partis, des petits partis qui menacent, qui veulent prendre de l'ampleur. Fait que, je pense qu'on est dans une période de remaniement où on est plus tant que ça en train de parler d'idées au Québec entre les partis, mais où l'organisation interne de chaque parti, puis des partis les uns par rapport aux autres, quelles allégeances passent de où à où, est en train de se redessiner complètement. Puis ça, dans un sens, c'est intéressant. Si le Parti libéral, qui est au gouvernement un peu isolé face à toute cette opposition, en ressort gagnant, ça serait bien malheureux, d'après moi, parce que je pense que ils sont arrivés à un point de non-retour par rapport à toute cette collusion qu'on menace, cette collusion qui menace d'être bien vraie et qu'on va peut-être un jour voir apparaître. Mais sinon, faut attendre, faut voir. Puis je pense que c'est intéressant, mais qu'il faut voir comment les partis vont s'organiser. L'Assemblée nationale est une belle piñata. Hein? On frappe dessus depuis les derniers mois. Lorsqu'elle éclatera, on verra tout plein de surprises tomber du ciel. Et puis, nous, en tant que citoyens, notre travail, c'est d'être à l'affût, d'être vigilants, parce que cette Assemblée nationale-là, c'est la nôtre.